Chapitre 7e. Le lendemain, le village entier assista à l'enterrement de Denis Brocard. Après la cérémonie, le notaire d'Aubrive alla trouver M. Février et lui donna lecture d'un testament par lequel le docteur léguait toute sa fortune à sa petite nièce, à charge par elle de servir une rente convenable à Angélique et de continuer à la loger dans la maison de l'abbatiale. Marianne étant encore mineure, ce fut M. Février qui prit possession, au nom de sa fille, de l'héritage du vieux docteur et qu'inventoria le mobilier de l'abbatiale. Il s'en acquitta en conscience, ouvrant tous les meubles, fouillant les moindres recoins, soupesant l'argenterie et comptant minutieusement les bouteilles de la cave. Naturellement, il trouva dans l'un des tiroirs du secrétaire la mystérieuse épître arrivée la veille du décès et qui avait donné à Denis Brocard sa dernière joie. C'était une lettre de Jean de Santenoge. Le pauvre garçon, ne comprenant rien au mutisme prolongé de Marianne, avait pris le parti de s'adresser au docteur. Il le suppliait de lui donner des nouvelles de sa petite nièce et de ne rien lui déguiser, dans le cas où la jeune fille aurait changé de sentiment. Quant à lui, il protestait de la persistance de son amour, dans lequel il puisait chaque jour, disait-il, de nouvelles forces. M. Février haussa les épaules, alluma une bougie et brûla impitoyablement la supplique du donjon de Virloux. « Maintenant, murmura-t-il, en écrasant sous son doigt les pincées de cendre de la lettre, j'espère que ce garnement nous laissera tranquille. » Et en effet, à partir de ce jour, un complet silence se fit entre la fourche perdue dans les défilés de Constantine et le village champenois, endormi au milieu de ces forêts profondes. Et ainsi les années se passèrent. Dans cette coupe de Maigrefontaine où, près de la hutte des Sabotiers, Santenoge avait rencontré Marianne, les jeunes cépées grandissantes avaient commencé à reformer un taillis. Autour de Virloux, les branches avaient poussé et s'étaient si bien enchevêtrées qu'elles avaient obstrué tous les sentiers. Le châtelot, plus que jamais semblable au château de la Belle au bois dormant, sommeillait maintenant, isolé du reste du monde par la plantureuse épaisseur d'une muraille de verdure. À Aubrive, les gâchettes, qu'à son retour du couvent, Marianne voyait passer en sabots et le panier au bras sur le chemin de l'école, étaient devenues de grandes filles et se mariaient les unes après les autres. Marianne seule restait immuable et immobile dans son logis solitaire, tandis que le village, imitant la forêt, se métamorphosait, faisait l'amour, poussait de nouvelles tiges et de nouveaux bourgeons. Bien que Mademoiselle Février, à 23 ans, fût encore plus charmante qu'à 18, on la considérait déjà comme une vieille fille, et les gens d'Aubrive, ne comprenant rien à son obstiné célibat, répandaient le bruit qu'elle voulait entrer en religion. Quant au receveur, il regardait sa fille aller et venir, grave et mélancolique, et lorsqu'il lui voyait les yeux un peu plus cernés que d'habitude, « Bon, murmurait-il, elle se lassera, elle se lasse déjà. » Mais Marianne ne se lassait pas. Avec l'opiniâtreté du caractère langrois, elle s'entêtait dans ses résolutions et dans son espérance. Quand, parfois, à la tombée de la nuit, inquiète du silence de son fiancé, elle sentait le doute envahir son âme avec les ombres du crépuscule, elle fermait les yeux et revoyait Santenoge tel qu'il lui était apparu dans leurs trois uniques entretiens, joyeux, indépendant, fier et loyal. Elle entendait sa voix chaude et sonore, son clair rire d'enfant. Elle songea à ses beaux yeux couleur café, au regard franc et droit, qui avait fait une si vive impression sur son cœur, et ses doutes s'évanouissaient, tandis que les étoiles commençaient à poindre et à se mirer dans les eaux de la petite rivière. « Il tiendra sa parole, pensait-elle, et d'ailleurs, quoi qu'il arrive, je serai fidèle à la mienne, je ne l'oublierai jamais. » L'amour de Santenoge reposait dans son cœur comme une relique au fond d'un reliquaire. Elle l'y avait enfermé pour toujours, et sur sa poitrine, elle avait apposé comme un sceau le petit bouquet de fleurs séchées cueilli dans le bois de Virloux. Depuis la mort du docteur, M. Février et sa fille s'étaient installés dans la maison de l'abbatiale. Marianne y passait la plupart de ses journées, seule ou en compagnie de la vieille Angélique. Elle habitait de préférence la chambre où son grand-oncle avait rendu le dernier soupir. Elle y avait réuni pieusement tous les meubles que Denis Brocard avait aimés. Les gravures, le buste de Diderot, la bergère en velure d'Utrecht, conservaient à cette pièce la physionomie d'autrefois. Parfois même, lorsqu'un dernier rayon de soleil couchant les colorait obliquement, les vieux meubles semblaient s'animer et s'entretenir encore l'un l'autre de l'ami disparu. Un soir d'août, Marianne s'était accoudée à la fenêtre qui donnait sur la terrasse. Monsieur Février était retourné à son bureau. Angélique, chaussée de ses pantoufles à semelle de feutre, allait et venait par la maison sans faire plus de bruit qu'une ombre. La jeune fille, mélancolique et découragée, songeait avec tristesse à la solitude dont elle se sentait plus que jamais enveloppée. Denis Brocard avait été son seul ami. Maintenant, elle était réduite à un long tête-à-tête avec M. Février, qui ne comprenait rien à son cœur et qui lui gardait rancune de son obstination. L'unique consolation de la jeune fille était le souvenir de Jean de Santenoge, et encore, à mesure que ce souvenir s'enfonçait dans le passé, y trouvait-elle un refuge moins sûr et une consolation moins énergique. L'espoir qu'elle avait fondé sur l'amour de Santenoge n'était-il donc qu'à l'heure? Celui qu'elle aimait si profondément l'avait-il oublié? 5 ans s'étaient passés depuis le matin où elle avait reçu sa lettre d'adieu, et qui pouvait dire ce qui était advenu pendant ces 5 années? Peut-être son humeur vagabonde ayant repris le dessus. Le don Juan de Virloux était-il retombé dans son vieux péché? Peut-être aussi, dans quelque pays lointain, vivait-il pauvre, découragé ou dangereusement malade? Elle fut prise d'un frisson à la pensée de Santenoge mourant loin de tout ce qu'il avait aimé. Le crépuscule était venu, et les ombres des toits s'allongeaient sur les tilleuls de la promenade. Le murmure de la rivière monta clair, cristallin et caressant parmi les arbres. Au-dessus des bois de Montavoir, le croissant de la lune nouvelle dessina son mince demi-cercle. Marianne se souvint que 5 ans auparavant, presque jour pour jour, à la même heure, Jean s'était accoudé près d'elle à cette croisée. Le vent jouait de la même façon dans les clématites, la mélodie de la rivière était pareille, et comme ce soir, la lune élevait au-dessus des bois son mince anneau d'argent. Il semblait à Marianne que c'était hier et que le temps n'avait pas marché. Elle croyait encore entendre la voix joyeuse de Santenoge s'écriant « Maintenant, je me sens capable de soulever des montagnes !» Un pas léger fit crier le sable du jardin. Marianne pensa que la gouvernante traversait la terrasse. « Angélique » cria-t-elle, mais personne ne répondit. La jeune fille, surprise, pencha sa tête hors de la fenêtre et se rejeta tout à coup en arrière, le cœur bondissant et les yeux grands ouverts. À l'extrémité de la terrasse, elle avait vu se découper sur l'horizon clair une forme bien connue, haute, svelte, robuste et fièrement campée, toute semblable à Jean de Santenoge. Au même instant, cette apparition coupa en biais la terrasse. Une tête coiffée d'un feutre à large bord s'encadra dans la baie de la fenêtre et une voix sonore dit joyeusement « Bonsoir, mademoiselle Marianne !» Mon Dieu, c'était lui. C'était le maître de Virloux, en chair et en os, un peu maigri, fortement hâlé, autant qu'on en pouvait juger à la clarté de la lune, mais toujours avec la même mine ouverte et loyale, toujours avec ce même bon regard, tombant droit et franc de 2 clairs yeux bruns. « Ah !» fit Marianne en s'appuyant contre l'embrasure. Et ce fut tout. La joie lui coupait la parole, mais ses 2 mains allèrent au-devant de celles de Santenoge, et une longue étreinte se chargea de lui dire le reste. Les explications vinrent ensuite. « Je n'osais plus espérer, » commença la jeune fille. « Songez, voilà 5 ans que nous n'entendions plus parler de vous. Et quoi ? Mes lettres ne vous ont donc pas été remises ? Je n'ai jamais rien reçu. » « Ce doit encore être un tour de M. Février. Il aura confisqué ma correspondance comme il voulait jadis confisquer ma liberté. Mais j'écris à M. Brocard. Pourquoi ne vous a-t-il pas montré mon billet ? Hélas, mon oncle est mort. » Ce fut au tour de Santenoge de s'étonner, de s'affliger. « Pauvre docteur, » soupira-t-il en se découvrant, « je me réjouissais tant de le surprendre et de l'embrasser. Et voilà que j'arrive trop tard. Je n'ai pourtant pas flâné en route, je vous en réponds. Je suis venu ici tout droit, sans même aller saluer mon vieux châtelot. « Merci, » dit la jeune fille en lui tendant de nouveau la main. Il la garda dans la sienne, puis après un moment de silence, « Mademoiselle Marianne, j'ai tenu parole et j'ai dépouillé le vieil homme. Le Santenoge d'aujourd'hui ne ressemble plus au Santenoge de Virloux qu'en un seul point, c'est qu'il vous aime toujours aussi fort. Seulement, si je suis devenu moins paresseux, je ne suis guère devenu plus riche, et vous êtes toujours libre de me renvoyer à ma forge. » Il fit glisser la bague le long de son petit doigt et la montrant à Marianne. « Elle ne m'a pas quitté, » ajouta-t-il d'une voix très émue. « Dois-je vous la rendre ? » Elle détourna la tête à demi. Ses yeux souriaient à travers des larmes, et tandis que ses doigts brisaient nerveusement les tiges des clématites. « Non, murmura-t-elle, gardez-la. » Le lendemain, au moment où M. Février était en tête-à-tête avec le notaire de Brive, Jean de Santenauge, correctement vêtu de noir, se présenta au bureau et demanda bravement la main de Mademoiselle Marianne. L'irascible receveur commença par s'emporter, et jure à ses grands dieux qu'il se laisserait faire les sommations légales plutôt que de consentir à une pareille alliance. Mais quand Maître Petitot, le notaire, lui rappelait que Marianne était l'unique héritière de M. Brocard, et qu'ayant 23 ans sonnés, elle pouvait librement disposer de sa personne et de sa fortune, M. Février se radoucit peu à peu et finit par donner son consentement. Marianne et Santenauge se marièrent un mois après. Aujourd'hui, le jeune ménage habite le Châtelot, rechampi et flambé à neuf. L'usine de Virlou a rallumé ses fourneaux, et les échos de Maigre Fontaine retentissent de nouveau du bruit des gros marteaux de la vieille forge. Ainsi s'achève le donjon de Virlou par André Theuriet.